Voilà, bien-aimés, la fin de ce magnifique discours avec ce point d'orgue sublime, hein, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Quelle merveille, quel mystère immense. Voyez, frères et sœurs, je crois que là vraiment on touche à la quintessence, voilà, du grand mystère de la foi chrétienne. Déjà, eh bien, nous touchons au fait que lorsque Jésus dit ça, eh bien, nous sommes forcés de reconnaître que dire une chose pareille, ça ne peut venir que de Dieu. Jésus est Dieu lorsqu'il dit ça, c'est pas possible autrement. Personne ne peut dire des choses pareilles s'il n'est pas Dieu. Voyez, quand Jésus dit que celui, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, attention, hein, voyez, quand Jésus vient de parler quelques instants avant, il vient de dire que, eh bien, il faut qu'il allait donner sa chair à manger, hein, que ce pain qui descend du ciel, qui donne la vie au monde, c'est sa chair qui va être donnée en nourriture. Les gens, les Juifs qui sont là dans la synagogue de Capharnaüm, se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il veut nous donner sa chair à manger? Enfin, vous imaginez l'histoire. Quand même, Jésus est en train de dire, c'est comme si je vous disais, eh bien, je vous donnais ma chair, mon corps, allez, venez manger mon corps. Là, vraiment, ils sont très étonnés, ils se disent, mais c'est pas possible, cet homme est un... Il nous invite au cannibalisme. Et c'est totalement contraire à tout. Eh bien, voyez, ce qu'il y a, c'est que un an avant que l'Eucharistie soit vraiment célébré, institué pour la première fois, eh bien Jésus vient de préparer le peuple, le monde entier, à accueillir ce grand mystère que nous allons célébrer dans quelques instants. Et vous voyez, dire une chose pareille, eh bien ça n'est pas un bon calcul humain, ça n'est qu'un calcul divin. Il faut vraiment être Dieu pour dire une chose pareille. Et alors quand Jésus dit ces choses-là, quand il reprend ce qu'il vient de dire, il change de verbe. Là, on ne le voit pas dans le texte français, puisque le verbe manger, eh bien, nous n'en avons qu'un. En grec, il y en a deux. Il y a le mot phagein, qui est tout le mot qu'il utilise, le verbe qu'il utilise dans tout le début de ce discours. Hein, celui qui mange ce pain, voilà, vivra éternellement. Et on peut croire que ce mot phagein peut être utilisé d'une manière un peu symbolique, spirituelle. Voilà, on va manger spirituellement Jésus. On va manger spirituellement le pain, voilà. Donc on va se nourrir en esprit de la parole divine, qui est le pain qui descend du ciel. Et oui, et on peut l'entendre comme ça, c'est pour ça que Jésus dit les choses de cette manière. Mais il va plus loin. Là, il va utiliser un autre verbe. Il utilise le verbe trogein en grec, qui veut dire, hein, lorsqu'il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, il utilise le mot trogein. Trogein, qui veut dire, là, qui est le... Allez, je vais le dire... bêtement, je vais le dire, peut-être familièrement, c'est le mot bouffer, quoi. C'est-à-dire mâcher avec. C'est un mot qu'on utilise normalement pour les bêtes, lorsqu'elles mangent. Mâcher bruyamment, faisant du bruit avec ses dents. Mâcher la chair, manger réellement avec sa bouche. C'est ça que Jésus utilise comme verbe, là. Celui qui ne bouffe pas, qui ne mâche pas avec sa bouche ma chair, et qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Ce que Jésus est en train de dire, c'est incroyable. Oui, il confirme, vous avez bien compris. Je vous ai bien dit qu'il fallait manger vraiment avec votre bouche, ma chair. Oui, ce n'était pas une figure de style. Et pourquoi Jésus dit cela? Eh bien parce qu'il va nous donner effectivement cette chair à manger dans l'Eucharistie, dans ce pain qui devient son corps, et que vraiment nous devons croire que lorsqu'il dit ça, eh bien, Il va faire réellement cela. Il va faire que ce pain va changer de substance. La substance du pain va devenir la substance du corps de Jésus. La substance du vin va devenir la substance du sang de Jésus. C'est vraiment, vraiment le pain et le vin sont vraiment, vraiment devenus le corps et le sang de Jésus. C'est vraiment sa chair, c'est vraiment son sang que nous allons manger avec notre bouche. Et si Jésus nous donne cela, eh bien voilà la quintessence du christianisme. C'est que ici, voilà, nous comprenons que Jésus ne vient pas seulement comme un Dieu à côté de nous, comme toutes les religions croient à ce Dieu qui peut être... Elles ne croient pas toutes que ce Dieu est proche de nous, mais elles croient quand même que ce Dieu est à côté, qu'il nous regarde du moins, qu'il nous voit, que nous pouvons essayer de lui adresser des prières. et que tout en étant hors de nous, eh bien, il nous regarde et il prend soin peut-être de nous, ou peut-être parfois il nous punit, comme certains le pensent, même s'il est miséricordieux, même si peut-être il est amour. Eh bien, voyez, là, ici, Jésus nous dit non, je ne suis pas simplement à côté de vous, je veux vivre en vous, à l'intérieur de vous, je veux m'unir à vous, jusque dans votre corps, c'est-à-dire aussi dans votre âme, bien sûr, dans votre esprit, dans tout votre être. Et ça, c'est la grande merveille, c'est la grande nouveauté. Jésus n'est pas seulement à côté de nous, on peut lui parler, oui, on peut lui parler. Il n'est pas seulement dans notre esprit, il est en nous totalement. Et j'en veux pour preuve que ce corps de Jésus, qui est ingéré par nous, par les chrétiens, par les catholiques, ce corps de Jésus va se répandre dans notre âme, dans notre être tout entier, va faire même en sorte que nos corps eux-mêmes ressusciteront. Nos corps eux-mêmes ressusciteront parce que le corps de Jésus s'est uni à notre corps. Vous voyez, ce n'est pas seulement une histoire d'esprit, c'est une histoire complète, totale, de tout notre être qui est habité par Dieu et dans lequel nous sommes plongés. Dès lors, regardons notre corps autrement. Voyons que notre corps est uni à Dieu, que Dieu habite notre corps. Il habite notre âme, il habite notre esprit, il habite notre intelligence, il habite tout, il nous habite tout entier. Alors, frères et sœurs, si Jésus nous dit cela ce matin, c'est parce que le petit nombre que nous sommes ici, eh bien nous devons faire cet acte de foi. Pour que nos frères et sœurs chrétiens aussi, nous voyant vivre, habiter de la présence du Christ, avec cette conscience vive que oui, nous sommes totalement pris par le Christ, nous nous donnons à lui, et que vraiment cette merveille n'a pu être inventée que par un Dieu qui s'est en même temps fait homme avec une vraie chair humaine, et bien que, vivant comme cela, nous puissions répandre cette bonne nouvelle, que oui, Dieu est venu diviniser l'homme, le faire semblable à lui, pour de bon, et pas seulement en esprit, pas seulement en idée, mais en chair et en os, en chair et en sang. Alors en communion tout à l'heure, nous poserons cet acte de foi, nous allons pouvoir le poser dès maintenant, au moment de l'offertoire, cet acte de foi, oui Seigneur, je crois. Je crois d'abord que vous êtes Dieu, que vous n'êtes pas seulement un homme, que vous êtes vraiment Dieu descendu sur la terre, que vous êtes vraiment Dieu présent dans tous les tabernacles du monde, présent en chair et en os, en chair et en sang, et que vous êtes descendu sur l'autel, et c'est vraiment vous, Jésus, qui êtes là, que vous n'êtes pas seulement une idée, que vous êtes vraiment l'être suprême, créateur de l'univers, et en même temps fait homme, et que vous allez habiter en moi, vraiment vivre en moi, pour m'irriguer de votre vie, que vous allez vous unir à moi et me diviniser pour me faire entrer dans la béatitude éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.